Le seul moment où cette route est très fréquentée, c'est au moment de la foire de Freiburg, et ce n'est pas avant la première semaine d'octobre. Mais Stephen King a une bonne visibilité. S'il déboule un chauffard ou un soulard, on le voit arriver à 500 mètres, ce qui donne pas mal de temps pour évacuer les lieux. Il a arrêté de boire, il a arrêté de se droguer, il a presque arrêté de fumer et il fait de l'exercice. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus ? Pourtant, une voix continue de lui chuchoter des choses à l'oreille. « Quitte la route principale, » dit-elle. Mais, comme nous sommes le 19 juin 1999, des images et des sons, surtout des sons, se succèdent dans la tête de l'écrivain. Un premier souvenir surgit, puis un second et un troisième, ainsi de suite. Maintenant, Stephen King voit une île. C'est une île de celles qui sont au large du Maine. Peut-être est-ce là où vivait Marguerite Yourcenar. La maison de Marguerite Yourcenar est beaucoup plus modeste que celle de Stephen King. Elle l'appelle « Petite Plaisance ». Lui, il appelle la sienne « William Arnold House ». Petite Plaisance est en bois, elle est composée de toutes petites pièces pour conserver la chaleur avec chacune un poêle. Autour, il y a à peine 3/4 d'hectare, alors que William Arnold House est une demeure victorienne rouge avec des tourelles et des passages secrets, le tout équipé de hautes grilles et de caméras de surveillance. Mais ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas d'endroit aux États-Unis où les liens entre les habitants sont si serrés que sur ce genre d'île. Ils sont soudés par leur situation, par la tradition, par les intérêts communs, par des pratiques religieuses identiques et par un travail difficile et parfois dangereux. Les liens sont de sang, de clans, avec dans chaque île une demi-douzaine de vieilles familles dans lesquelles neveux, cousins et parents par alliance ne cessent de s'entrecroiser. Alors, comme Stephen King, dans ses romans, s'intéresse beaucoup aux petites villes qui sont des espaces clos, c'est normal qu'il voit une île précisément. Mais, comme il est un écrivain d'épouvante, il va chercher à trouver ce qui peut détruire cette communauté et séparer les individus au point de les rendre ennemis les uns des autres. On est en 1996 et Stephen King a 49 ans. L'île en question se nomme Tall Island. 2 ans plus tôt, on pouvait le voir sur une moto en train de traverser les États-Unis, parcourant 10 000 kilomètres. Pourquoi ? Est-ce parce qu'il considère le roman comme une machine, au même titre qu'une voiture ou une moto, et qu'il est temps pour lui d'expérimenter cela lors d'un voyage initiatique ? Tous ces modèles de vitesse et d'endurance ? Est-ce parce qu'il veut prouver aux critiques littéraires qui disent qu'il fait des romans alimentaires et sans prétention et qu'il est une véritable industrie, qu'il est aussi un homme ordinaire qui a des plaisirs ordinaires comme celui de faire de la moto ? Ou alors, est-ce qu'il veut aller jusqu'au bout de l'horreur américaine qui fusionne souvent avec les bolides, comme dans Easy Rider de Dennis Hopper, qui est pour lui la quintessence du film d'horreur contre-culturel, avec 2 motards hippies qui finissent mitraillés par des pecnos roulant dans un pick-up, pendant qu'un autre chante la chanson de Bob Dylan, It's Alright. Non. Stephen King n'a pas besoin de se donner des frissons ni de prouver quoi que ce soit à personne. On est en 1994 et il fait juste la promotion de son roman Insomnie. Mais c'est une promotion particulière qui ne concerne que les librairies indépendantes d'une dizaine de villes qui connaissent des difficultés dues à la concurrence des grandes surfaces. Il commence par le Vermont. Il se rend au North Shire Bookstore à Manchester. Puis il va dans l'état de New York à Ithaca, puis à Worthington dans l'Ohio, et à Lexington dans le Kentucky, et à Nashville dans le Tennessee, à St. Louis dans le Missouri, et à Manhattan dans le Kansas, et à Colorado Springs dans le Colorado, à Sun Valley dans l'Idaho, et il finit à Santa Cruz en Californie. Et même si George Beam dit dans son livre intitulé « Stephen King de A à Z » qu'il n'a pas toujours fait le voyage à moto d'une ville à l'autre à cause de la distance et que souvent il se faisait transporter par un van qui le suivait à chaque étape, tout le monde pouvait quand même le voir arriver en ville sur sa moto. Beam ajoute aussi qu'après Santa Cruz, il laissa la moto sur place et prit l'avion pour rentrer à Bangor. Et c'est sans doute un exploit supplémentaire parce que Stephen King déteste prendre l'avion. En 1996, il s'inspirera de cette virée dans son roman Désolation. Au premier chapitre, on voit un écrivain qui s'appelle Johnny Marinville. Il a fait la couverture de People et de Première, et la une du New York Times, et il a eu l'encart central d'Inside View. Il ralentit sa moto au bord de la Nationale 50. Il rétrograde de son pied gauche et il s'arrête en bordure de l'asphalte. Et par chance, il y a peu de circulation parce que c'est difficile ici de s'arrêter et d'éviter de tomber, même quand on a baisé les plus célèbres actrices d'Amérique et qu'on a parlé de vous pour le prix Nobel de littérature. Il dit aussi que c'est impossible de relever une Harley Davidson de 400 kilos une fois qu'elle a fait la culbute à cause du remblai défoncé de la chaussée, surtout quand on mesure, comme lui, 1m75 et qu'on n'a pas la grande forme. Alors, Johnny Marinville, dont Stephen King dit qu'il est le lion de l'édition et aussi un Elvis Presley littéraire, descend de sa moto et s'enfonce dans le désert pour pisser. Il pense alors à sa prostate et à la maladie et aux 2 paquets de Camel quotidien qu'il a fumé pendant 20 ans plus 3 paquets de Camel Light les 10 années suivantes et à son appétit pour les sauces épicées et pimentées. Quand il a fini, il revient sur ses pas et il tombe sur une voiture de police garée derrière sa moto. Alors, l'horreur peut commencer parce que l'homme qui est au volant est un policier psychopathe qui est possédé par une entité maléfique qui s'est emparée de son enveloppe charnelle. Mais aujourd'hui, Stephen King est obsédé par Tall Island. Cette île est précisément sortie tout droit de son imagination. Il veut en parler dans un livre qui ne serait pas vraiment un roman ni une nouvelle, mais un scénario. C'est la première fois qu'il pense à cela. D'habitude, il écrit des romans et ensuite ils sont adaptés au cinéma comme Carrie par Brian De Palma, ou Shining par Stanley Kubrick, ou Dead Zone par David Cronenberg, ou la nouvelle Poids lourd, dont il a lui-même tiré le scénario du film Maximum Overdrive. Mais cette fois, des images s'imposent à lui. Elles se présentent comme celles d'un film, et c'est difficile pour lui de résister à cette pulvérulence lumineuse. Il a l'impression qu'il assiste à un mirage et que cette île n'est ni une vision ni une illusion d'optique, mais l'image plus ou moins déformée d'un objet bien réel. Quel est cet objet ? Est-ce un mirage chaud qui est une réminiscence de son voyage à moto ? Dans ce cas, les yeux de Stephen King ont certainement été impressionnés sur les routes d'été lors de sa virée à moto, par un rayon lumineux venant du ciel qui s'est rapproché du sol avant de subir une déviation. Cela crée l'impression d'une flaque d'eau lointaine qui disparaît quand on s'avance et qui, parfois, peut faire croire à une île. Est-ce un mirage froid ? Ce type de mirage est considéré comme supérieur à l'autre. Les couches les plus chaudes se trouvent élevées dans l'atmosphère alors que les couches les plus froides sont près du sol. Avec la rotondité de la Terre, tout objet au-delà de la ligne d'horizon peut alors apparaître, comme un aérodrome sur la banquise ou une île. Ainsi, comme le mirage n'a rien d'irrationnel parce qu'il s'explique par l'optique géométrique et les lois de la réfraction, on peut comprendre que Stephen King décide d'écrire un scénario à partir de cette apparition. Oui, c'est un scénario qui serait la trace de l'île, la preuve qu'elle existe, même si elle n'est qu'une pure vision. Ce qui le conduit à écrire une histoire en pensant à la télé, entendu que si le cinéma, comme il le dit, est le rêve de la culture de masse, la télé ne pompe pas le spectateur, mais c'est plutôt le spectateur qui la pompe. Voilà. Il pense aujourd'hui que ce projet qu'il intitule « La tempête du siècle » convient à une chaîne de télévision comme ABS et que ce sera une mini-série. La tempête du siècle raconte l'histoire d'une terrible tempête qui se prépare dans le Maine. L'île de Tall Island est un endroit habituellement paisible. Un jour, la météo annonce une catastrophe climatique. Mais ce qui inquiète la population, c'est surtout les événements étranges qui se sont produits depuis l'arrestation d'André Linoge, le meurtrier de la vieille Martha Clarendon. Il est enfermé dans la maigre cellule du supermarché commissariat et il semble tout contrôler, à tel point que même le shérif en a peur. Il sait tout des habitants et n'hésite pas à se servir de ce savoir. Les habitants se rendent vite compte qu'il n'est pas vraiment humain. André est pourtant clair. Il ne partira que quand on lui donnera ce qu'il veut et il le fera savoir. Le tournage du film commence. Craig Bexley est à la réalisation. On est en février 1998. Il neige. Une partie des extérieurs est tournée à Southwest, dans le Maine, et une autre partie à San Francisco. Les autres au Canada, au nord de Toronto, où est reconstituée la rue principale de Little Toll, dans une ancienne raffinerie de sucre abandonnée à Oshawa. Pendant un ou deux mois, cette usine est un des plus grands plateaux du monde. Cette rue principale connaît alors trois étapes d'enneigement soigneusement calculées qui vont de quelques centimètres à un enfouissement complet. Quand le tournage est terminé, toutes les séquences sont dans le désordre et les acteurs qui ont travaillé pendant des nuits sont éreintés. Dans une caisse, il y a une soixantaine de cassettes dans des boîtes rouges, ce sont les rushs. La caisse lui fait alors penser à la valise qu'il a découverte enfant dans le grenier de sa tante, avec les manuscrits non publiés de son père et des livres de fantastique et d'horreur qui lui ont appartenu. Si ce n'est que Stephen King sait aujourd'hui que l'enfance est un mythe pour tout le monde et que le plus difficile quand on est adulte est de la mettre à distance sans chercher à s'en débarrasser. Mais il n'a pas abandonné pour autant la littérature. Il pense simplement que dans ce cas, l'histoire de la tempête du siècle est une autre manière de faire un roman. Ce qui lui permet de préciser quatre choses sur son travail d'écrivain. La première, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire un roman qui est adapté au cinéma, parce que, dans ce cas, il doit lui-même négocier avec la chaîne de télé, ce qui est compliqué à cause des règles arbitraires et de la censure qui est très forte. La seconde, c'est que maintenant qu'il a l'expérience de la réalisation après Maximum Overdrive, il en sait plus sur les techniques de tournage et peut écrire en tenant compte des effets spéciaux. Par exemple, l'essentiel du scénario se passe sous la neige. La troisième chose, c'est que s'il a décidé de publier ce scénario sous la forme d'un livre, c'est parce qu'il pense qu'une histoire reste une histoire, quelle que soit sa forme, et qu'un film s'achète maintenant en vidéocassette ou vidéodisque, de même que l'on trouve des livres en édition de poche. La dernière chose, c'est qu'un film peut se parcourir comme un livre, en appuyant sur la touche rembobinage pour voir ce qu'on a manqué ou savourer une séquence qui nous a plu, ou en appuyant sur la touche de défilement rapide pour voir comment ça finit. En conclusion, Stephen King ajoute que le plus grand écrivain de langue anglaise qui s'appelle William Shakespeare travaillait l'expression orale et visuelle sans viser le livre imprimé, et qu'il ne cherche pas à se comparer à lui, mais que peut-être, s'il vivait aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, il écrirait aussi des films pour la télé ou pour les théâtres off de Broadway, tout en passant un coup de fil à la commission de contrôle de la chaîne ABC pour les persuader que les violences dans l'acte 5 de Jules César sont indispensables et ne doivent pas être coupées au montage. Voilà comment ça commence. Acte 1. Extérieur jour, Main Street, Little Toll Island, fin d'après-midi avec le vent qui chasse violemment la neige devant la caméra. Travelling avant jusqu'au feu de signalisation situé au croisement de Main Street et d'Atlantic Street, le seul carrefour ainsi équipé de l'île. Voix off. Le feu clignotant s'éteint. Un fondu enchaîné sur deux. Extérieur jour, forêt du Maine, vue aérienne d'hélicoptère. Voix off qui dit... J'ai vécu toute ma vie dans le Maine, mais d'une certaine manière, je n'y ai jamais vécu. Je crois que tous ceux qui habitent ici diraient la même chose. Puis, fondu enchaîné sur extérieur. Little Toll Island, vue d'hélicoptère, jour. Rire et conversation animée. Voix off qui dit que les gens de Little Toll payent leurs impôts à Augusta comme tout le monde. Extérieur jour. Les flancs d'une voiture de pompiers. Extérieur jour. Des nuages qui grossissent. Extérieur jour, un homme de dos. Intérieur, le salon de Martha Clarendon qui regarde son poste de télévision en couleur avec antenne parabolique. Elle boit du thé. la présentatrice météo dit que voici une tempête qui a provoqué des dégâts en traversant les Grandes Plaines et le Midwest où elle a été responsable de 15 morts et qui a retrouvé toute sa puissance d'origine et plus encore en traversant les Grands Lacs. Puis le trajet en question apparaît en jaune sur les États de New York, du Vermont et du New Hampshire et du Maine. En conclusion, la présentatrice météo dit qu'il faut prendre au sérieux la formule « tempête du siècle » parce que si ce qu'elle prédit se déroule, il faut se préparer à une catastrophe sans précédent dans le Maine et que c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Alors Murtha dit « Quand on dit de ne pas paniquer, c'est du sérieux. » Bruit. Sonnerie à la porte d'entrée. Voilà comment c'est fini. Acte 7. Intérieur nuit, meublé minable. Voix off. Tout le monde sur Little Island n'a pas eu autant de chance. Travelling avant dans la pièce. Le lit défait. Porte de salle de bain entrouverte. Extérieur jour. Little Island vue du détroit. Tout est calme. Quelque peu fantomatique. Brume grise et légère. La jetée et le quai du port ont été reconstruits après la tempête. Travelling avant sur un bateau. Ciré jaune de pêcheur. Paire de bottes rouges. Gilet de sauvetage. Intérieur jour. Bureau de l'hôtel de ville. Deux policiers parlent avec une femme. Extérieur jour. Little Island vue de l'océan. Voix off. C'est un monde sans pitié, on doit tout payer. Parfois, il arrive que le prix soit raisonnable, mais en général, il est très élevé. Et de temps en temps, il arrive qu'on vous prenne tout ce que vous avez. C'est la dure leçon que j'ai apprise il y a 9 ans sur Little Island pendant la tempête du siècle. Extérieur jour, San Francisco. La voix off continue. Mais je me trompais. Je n'ai fait que commencer à l'apprendre pendant la catastrophe. Je viens de finir seulement la semaine dernière. Fondu sur extérieur jour. Une mouette qui fait de la voltige sous le ciel bleu de la baie de San Francisco. Descente vertigineuse de la caméra sur l'île de Little Island et le bâtiment de l'hôtel de ville. Une voiture égarée devant. 3 personnes se dirigent vers une coupole abritant les plaques et la cloche du mémorial de la tempête du siècle. Un homme dit qu'il aurait pu écrire à Molly pour lui en parler et qu'il y avait beaucoup réfléchi et qu'il avait même prié pour savoir ce qu'il allait faire, mais que quand toutes les options qu'on a doivent faire le mal, aucune n'est la bonne et qu'il a préféré garder le silence et que parfois, surtout le soir, lorsqu'il a des insomnies, il se dit qu'il a eu tort, mais quand le jour revient, il voit les choses différemment. Extérieur jour. La coupole de l'hôtel de ville. Molly s'approche lentement, elle tient un bouquet à la main. Son visage est serein malgré une expression triste. Molly est très belle. Derrière elle, un père tient sa fille par les épaules. Molly s'agenouille au bas de la plaque où sont inscrits les noms des victimes de la tempête. Elle dépose les fleurs et pleure. Elle embrasse le bout de ses doigts et les appuie sur le nom de son fils. Elle se lève et retourne lentement auprès du père et de sa fille. L'homme prend Molly dans ses bras et la serre contre lui. Extérieur jour, Little Island, vue générale. Voix off. Le jour venu, je vois les choses différemment. Fondu au noir. Générique de fin de La tempête du siècle. Fin du 4e épisode. You've been listening to Stephen King on the radio. Demain, vous apprendrez comment Stephen King a recours au pseudonyme de Richard Bachman pour publier certains livres et pourquoi il décide de se mettre à écrire un livre sur l'écriture pour expliquer au lecteur qu'il n'est pas seulement un romancier qui raconte des histoires d'horreur, mais aussi quelqu'un qui se pose des questions de style. C'était Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon et Cécile Musiteri. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Laure Egoroff.